Lettre 34e. La soirée dansante. Usage différent en France et en Angleterre sur le rôle que jouent dans la société les jeunes personnes et les femmes mariées. Conversation à ce sujet. Nous avons été hier au soir à un bal, ou pour mieux dire, à une soirée dansante, car dans cette saison, on a beau danser la nuit tout entière, il n'y a point de bal. Du reste, quel que soit le nom qu'il faille donner à la réunion d'hier, il eût été impossible de la rendre plus gaie et plus agréable, eussions-nous été au mois de janvier au lieu du mois de mai. Il s'y trouvait plusieurs Anglais qui, au grand amusement d'une partie de la société, ne manquèrent pas de choisir leur danseuse parmi les jeunes personnes. Aux yeux de quiconque n'est pas au fait des usages de la société française, rien ne saurait être plus remarquable que la différence entre la position que les jeunes personnes occupent dans les salons en Angleterre et en France. Chez nous, les objets les plus agréables à regarder et les danseuses que l'on choisit de préférence sont les jeunes filles, brillantes dans la perfection et dans l'éclat de leur jeunesse, gracieuses et enjouées comme des biches dans tous les mouvements de la danse, éclipsant la légère élégance de leur propre toilette par l'amabilité qui ne laisse point Dieu pour en étudier les ornements, ce sont elles qui, en dépit des diamants et des blondes, en dépit de la beauté des femmes mariées et des grâces cultivées, se montrent toujours les personnages les plus importants dans un bal. Il peut parfois malheureusement arriver parmi nous qu'une matrone coquette se montre, valsant avec plus de vivacité que de sagesse. Mais quand elle le fait, elle court toujours le risque d'être mal notée d'une façon ou d'une autre et plus ou moins gravement par chaque personne présente. Je ne l'engagerai pas même à se flatter que le cavalier qui a pris sa main ne préférera pas parcourir les sinuosités du cercle de la danse avec une de ses légères sylphides qu'il voit voler devant lui plutôt qu'avec la femme mariée la plus à la mode de Londres. Mais à Paris, tout cela est complètement renversé. Et ce qu'il y a de plus étrange, c'est que vous trouverez que dans chaque pays, la raison que l'on donne pour ces différences provient de l'attention générale que l'on accorde aux bonnes mœurs. En entrant dans une salle de bal en France, au lieu de voir la partie la plus jeune et la plus aimable de la compagnie occupant les places les plus évidentes, entourée des hommes les plus à la mode et vêtue avec l'élégance la plus étudiée et la plus décente, il faut chercher ces jeunes créatures dans des coins écartés, habillées avec la plus grande simplicité et presque entièrement éclipsées par les charmes épanouis de leurs amis mariés. C'est réellement merveilleux quand on considère qu'une jeune fille de 18 ans est toujours nécessairement beaucoup plus jolie qu'elle ne le sera 12 ans après. De voir comme la mode n'en exerce pas moins son empire arbitraire et fait préférer ce qui est moins beau à ce qui l'est davantage. Tout ce charme extraordinaire, cette fascination qui est l'attribut incontestable d'une Française élégante, ne lui appartient réellement et complètement qu'après qu'elle est mariée. Une jeune personne française, parfaitement bien élevée, a l'air parfaitement bien élevée. Mais il faut convenir en même temps que l'on dirait aussi que sa gouvernante aux yeux de lynx est toujours derrière elle. Elle sera, comme de raison, habillée avec la précision la plus minutieuse et la plus exacte convenance. Son corset ne permettra pas qu'un pli se montre dans sa robe, et son coiffeur ne souffrira pas qu'un seul cheveu quitte la place qu'il lui a assignée. Mais si vous désirez voir cette grâce parfaite dans la toilette, cette agacerie de costume que rien ne saurait égaler et qui distingue une Française de toutes les autres femmes du monde, il faut quitter mademoiselle pour vous approcher de madame. Le son même de sa voix est différent. On dirait que le cœur et l'âme d'une jeune fille en France sont endormis, ou du moins assoupis, jusqu'à ce que la cérémonie du mariage vienne les réveiller. Tant que c'est mademoiselle qui parle, il y a quelque chose de monotone, de triste, de dépourvu d'intérêt dans son organe. Mais dès que c'est madame qui vous adresse la parole, elle y met tout le charme que peuvent donner le ton, le rythme et l'accent. En Angleterre, au contraire, le plus grand charme de la jeunesse est sans contredit le son libre, frais, naturel, doux et joyeux de la voix d'une jeune fille. Cette voix est délicieuse comme celle de l'alouette qui, dans la fraîcheur du matin, salue le soleil levant. Elle n'est pas contrainte, emprisonnée, retenue par la crainte d'exercer de trop bonne heure sa puissance de sirène. Jusque dans la danse, véritable arène faite pour déployer les grâces de la jeunesse, la jeune fille en France est encore vaincue quand ses pas, bien étudiés, se comparent avec les mouvements aisés, faciles, enchanteurs de la femme mariée. Dans la naïve amabilité même qui suffirait pour rendre une jeune fille charmante quand elle n'aurait pas d'autre charme, il est nécessaire de garder une prudente réserve. Quand une demoiselle française aurait le meilleur cœur du monde, la bienséance ne lui permettrait pas de le faire valoir. Un jeune Anglais de ma connaissance, fort répandu à la vérité dans la société française, mais qui n'était pas initié dans les mystères de l'éducation féminine, m'a raconté l'autre jour une aventure qui lui est arrivée et qui fait bien comprendre ce que je viens de dire, quoiqu'il n'ait pas beaucoup de rapport à mon bal d'hier au soir. Ce jeune homme avait été pendant assez longtemps fort bien reçu dans une maison française où il avait fréquemment dîné et où il se regardait à tous égards comme l'ami de la famille. Les maîtres de la maison n'avaient qu'un seul enfant, une fille, assez jolie, mais dont les manières étaient froides, silencieuses, presque repoussantes, gauches d'ailleurs, et n'inspirant aucun intérêt. Tous les efforts qu'il avait tentés pour lier conversation avec elle avaient été inutiles, et quoiqu'il se fût trouvé bien souvent dans sa société, l'Anglais croyait en être à peine connu. Ce jeune homme retourna en Angleterre, mais au bout de quelques mois il eut l'occasion de revenir à Paris. L'un des premiers jours après son arrivée, étant allé au Louvre, il s'arrêta devant un tableau qui attira particulièrement son attention. Tout à coup, il s'entendit adresser la parole par une femme très belle et très élégante, qui, du ton le plus aimable et le plus amical, lui fit une foule de questions, s'informa de sa santé et le prit instamment de venir la voir, ajoutant « Mais il y a un siècle que je ne vous ai vu. » Mon ami ne pouvait s'empêcher de la considérer avec autant d'admiration que de surprise. Il se disait en lui-même que bien certainement il l'avait vue quelque part, sans pouvoir se rappeler où. Voyant son embarras, elle sourit et dit « Vous m'avez donc oublié. Je m'appelle Aiglée de... mais je suis mariée. » Mais pour en revenir à notre bal, m'apercevant que toutes les femmes mariées étaient invitées l'une après l'autre jusqu'à ce qu'il ne restât plus un seul danseur, je me sentis sérieusement fâché. Car nonobstant l'assistance de nos ignorants compatriotes, il y avait encore au moins une demi-douzaine de jeunes françaises qui n'étaient pas pourvues de cavaliers. Elles ne parurent pourtant pas, à beaucoup près, aussi désappointées que l'auraient été des anglaises si le même malheur leur était arrivé. Elles y étaient accoutumées, comme les pauvres anguilles à être écorchées, tandis que les hommes remplissaient le cruel office de cuisinier et n'avaient aucune pitié de ces infortunés, dont les jolis petits pieds battaient la mesure sur le parquet pendant qu'elles contemplaient les heureuses femmes mariées figurées devant elles dans des contredanses où elles auraient donné tout au monde pour pouvoir les suivre. Quand enfin toutes les femmes mariées, jeunes et vieilles, furent pourvues, plusieurs hommes d'un âge mûr et fort respectable sortirent de leur coin, se levèrent de dessus leur sofa et vinrent se présenter aux jeunes aspirantes, de qui ils furent acceptés avec des sourires calmes et gracieux et obtinrent la permission de danser avec elle. Les dames de mon âge, destinées par le sort à former la tapisserie d'un salon, savent puiser de l'amusement et de la consolation dans un grand nombre de sources différentes. Elles profitent d'abord de la conversation des personnes auprès desquelles elles sont placées, ou bien, si elles aiment mieux garder le silence, elles entendent les plus jolis airs à la mode parfaitement exécutés. Puis toute l'arène des pieds légers est ouverte à leurs critiques et à leur admiration. Je ne dis rien de l'agrément de prendre de temps en temps une glace quand le plateau passe devant elle, ce qui ne laisse pourtant pas de déguiser pour elle la longueur du temps. Mais il y a encore un autre genre d'amusement dont l'aveu trop hautement fait pourrait bien faire désirer à la portion la plus jeune du monde civilisé que les vieilles dames y vissent moins clair. Je veux parler du plaisir de contempler en silence une demi-douzaine d'intrigues qui se passent autour de soi, et dont les unes sont conduites si adroitement, les autres avec tant de gaucherie. Mais dans toutes ces occasions, quoiqu'une vieille dame bien élevée en Angleterre prenne toujours grand soin de faire en sorte que l'on ne s'aperçoive pas qu'elle voit ce qu'elle voit, elle regardera autour d'elle sans aucune sensation d'embarras, sans se dire à elle-même qu'elle préférait être partout ailleurs qu'où elle est, afin de ne pas voir ce qui se passe près d'elle. Enfin, dans tous les cas, elle sera convaincue que la belle dame est occupée à faire sa fortune et non point à la ruiner. On agit, si ce n'est mieux, du moins différemment en France. En Angleterre, quand on voit une femme passer par toutes les manœuvres de la coquetterie, depuis la première phrase indifférente de « Comment vous portez-vous » jusqu'à cette douce langueur dans laquelle les yeux se fixent immobiles sur le tapis, pendant que la tête légèrement penchée semble vouloir faciliter à l'heureuse oreille le moyen de s'abreuver des enivrantes protestations du parfait amour. Quand ces choses, dis-je, se voient en Angleterre, même dans le cas où la dame aurait plus de 18 ans, on peut être assuré qu'elle n'est pas mariée. Mais ici, soit dit d'ailleurs sans la plus légère ombre de médisance, on est tout aussi certain qu'elle l'est. Elle est peut-être veuve, ou bien peut-être sa coquetterie se joint-elle à la plus parfaite innocence, n'étant dictée que par la mode. La seule chose impossible, c'est qu'elle soit une jeune personne à marier. J'étais profondément livré à ces réflexions hier au soir, quand une dame d'un certain âge, qui pour quelque motif assez difficile à deviner, ne valse jamais, traversa le salon pour venir se placer à côté de moi. Quoiqu'elle ne valse point, c'est une charmante personne, et sachant par expérience combien sa conversation était agréable, je fus charmé de la voir dans mon voisinage. « À quoi pensez-vous, Madame Trelawe ?» me demanda-t-elle. « Vous avez l'air de méditer. » Je délibérai un moment pour savoir si je devais ou non lui avouer franchement ce qui se passait dans mon esprit, mais pendant que je réfléchissais, je vis sur sa physionomie que je n'avais pas de sévérité à craindre de sa part si je me décidais à lui accorder toute ma confiance. Je répondis donc avec toute sincérité, « Je médite en effet, et c'est sur la position des femmes non mariées en France. »« Des femmes non mariées ? Vous n'en trouverez presque point en France, » me dit-elle. « Ces dames qui viennent de danser ne sont pas mariées, je pense. »« Ah ! Mais vous ne pouvez pas dire que ce soient des femmes non mariées, ce sont des demoiselles. »« Soit. Mes méditations les concernaient. Eh bien ?» Eh bien, il me semble que ce n'est pas pour elle que le bal se donne, que la musique joue. Les hommes ne sont nullement empressés auprès d'elle. Non, certainement, il serait tout à fait contraire à nos idées de convenance que cela fût ainsi. Avec nous, c'est bien différent. Ce sont les jeunes personnes qui sont les héroïnes, ostensibles du moins, de tous les bals. Les héroïnes ostensibles. Elle appuya avec assez de force sur l'adjectif, puis elle ajouta avec un sourire. Chez nous, les héroïnes ostensibles sont les véritables. Je m'expliquai. Je conviens qu'en Angleterre, les véritables héroïnes sont, dans certains cas de luxe et d'ostentation, les dames qui rendent les bals. L'explication est ingénieuse, reprit-elle en riant. Je croyais que vos paroles cachaient un autre sens. Vous pensez donc, continua-t-elle, que l'on attache ici trop d'importance aux jeunes femmes mariées ? Oh non ! Répondis-je vivement. Je suis d'avis qu'il est impossible d'attacher à elles trop d'importance, car je suis convaincu que c'est de leur influence que dépend uniquement le ton de la société. Vous avez parfaitement raison. Il est impossible que des personnes qui ont vécu aussi longtemps que moi dans le monde en puissent douter. Or, comment voulez-vous que cela soit si dans toutes les réunions on les néglige, pendant que de jeunes personnes qui n'ont encore aucune position fixée dans le monde sont mises en évidence à leurs dépens? Mais quand nous parlons d'importance, je ne pense pas que vous ou moi nous entendions celle qui se rattache à une contredanse ou à une valse. Non, certainement. Mais elle en est une conséquence nécessaire. Chez nous, les femmes se marient jeunes, aussitôt que leur éducation est terminée et avant qu'elles aient pu entrer dans le monde ou en partager les plaisirs. Leur destinée, au lieu d'être la plus brillante dont une femme puisse jouir, serait la plus triste. Si on leur défendait les amusements si naturels à leur âge et à leur caractère national, par la seule raison qu'elles sont mariées. Mais n'y aura-t-il pas du danger dans la coutume qui lance pour la première fois dans la société de jeunes femmes déjà irrévocablement engagées et qui les expose aux attentions d'hommes qu'il est de leur devoir de ne pas trouver trop aimables ? Oh non ! Si une jeune femme est bien disposée, ce n'est pas une contredanse ou même une valse qui la feront dévier de la bonne route. Si ces amusements avaient un tel pouvoir, les législateurs de la terre devraient les interdire à jamais. Non, non, non, ce n'était pas là du tout ce que j'ai voulu dire. Je suis au contraire convaincu, et par le souvenir de mes impressions et par les observations que j'ai faites sur celles des autres, que la danse n'est pas un divertissement factice, mais une source naturelle et véritable de plaisir. Aussi, loin de vouloir l'interdire, je désirerais, si j'en avais le pouvoir, la rendre infiniment plus générale est plus fréquente qu'elle ne l'est. De jeunes gens ne devraient jamais se réunir sans pouvoir danser s'ils en ont envie. Et c'est de ce plaisir si vif, dont vous avouez que nous sentons en nous-mêmes le besoin, que vous voudriez priver toutes les jeunes femmes âgées de plus de 17 ans, par la seule raison qu'elles sont mariées, pauvres infortunées. Au lieu de les trouver aussi disposées qu'elles le sont d'ordinaire à entrer sur la scène tumultueuse de la vie, je crois que nous obtiendrions difficilement la permission de les mettre en ménage. Si telles étaient les lois du mariage, elles ne tarderaient pas à le prendre en horreur. Je ne voudrais pas qu'il en fût ainsi, répondis-je assez embarrassé, pour m'expliquer sans dire quelque chose qui peut être considéré soit comme un doute injurieux à l'égard d'une conduite innocente, soit comme une attaque trop polie contre les mœurs nationales. Je gardai donc le silence. Mon interlocutrice eut l'air d'attendre que je continuasse, mais après une courte pause, elle poursuivit en ces termes. Quel serait donc l'arrangement que vous proposeriez pour concilier la nécessité de danser avec les convenances qui exigent, selon vous, que les femmes mariées ne soient pas exposées aux dangers qui en résultent? Il y aurait sans doute trop de nationalité de ma part si je répondais qu'à mon avis, notre façon d'agir est précisément celle qui convient. C'est donc là votre opinion. Je vous le dis avec sincérité. Voudriez-vous donc avoir la complaisance de m'expliquer quelle est sous ce rapport la différence entre la France et l'Angleterre? La voici. Chez nous, la danse, qui de tous les amusements est celui qui dispose le plus les hommes à exprimer des sentiments d'admiration et les femmes à les écouter avec bienveillance, est regardée comme plus faite pour les personnes non mariées que pour celles qui le sont. Chez nous, c'est exactement le contraire, du moins pour ce qui regarde les femmes. En adressant à une jeune fille la vaine galanterie qu'inspire la danse, nous croirions violer la prudente et délicate contrainte dans laquelle elle est retenue. Une jeune personne doit être remise à son mari avant que ses passions se soient éveillées, avant que son imagination ait été excitée par les accents de la galanterie. Croyez-vous donc qu'il soit à désirer que cela ait lieu après qu'elle lui aura été donnée? Je ne dis pas que cela soit à désirer, mais ce serait infiniment moins dangereux. Dans les premiers temps de son mariage, les sentiments, les pensées, l'imagination d'une jeune femme sont exclusivement remplis de son mari. Son éducation a pourvu à cela. Et ensuite, il dépend de ce mari de conserver la possession exclusive de ce jeune cœur. S'il le veut sincèrement, ce n'est pas une valse ou une contredanse qui la lui enlèvera. Il n'y a pas de pays au monde où les maris aient moins de raisons de se plaindre de leur femme qu'en France, car il n'y a point de pays où leur manière de vivre avec elle dépende plus exclusivement d'eux. Chez vous, s'il faut en juger d'après vos romans, et même d'après les étranges procès qu'on lit dans vos journaux, la position est renversée. Nous n'entendons parler, nous ne lisons, que d'attachements formés avant le mariage et que l'on renouvelle après. Et certes, ces récits ne doivent pas nous engager à changer notre système contre le vôtre. La notoriété même du cas que vous citez prouve combien ils sont rares, répondis-je. Ces tristes histoires n'auraient que peu d'intérêt pour le public, soit comme roman, soit comme procès, si elles ne retraçaient pas des circonstances hors du cours de la vie ordinaire. Sans doute, mais vous conviendrez pourtant que si elles sont rares en Angleterre, elles le sont bien davantage en France. Elles n'y produisent peut-être pas autant de sensations. Parce qu'elles sont plus communes, pensez-vous, n'est-ce pas là votre idée? En parlant ainsi, elle souria d'un air de reproche. Non, ce n'était pas là ce que je voulais dire. Et ce n'est pas une occupation fort agréable que de calculer le plus ou moins de vertus qui se trouvent de chaque côté de la Manche. Toutefois, je pense qu'il pourrait être avantageux aux deux pays de modifier l'éducation en y introduisant ce qu'il y a de meilleur dans chacun d'eux. « Je n'en doute pas, » dit-elle. « Et puisque nous continuons si amicalement à prendre de part et d'autre nos modes, qui sait si vous ne finirez pas par renfermer un peu plus vos jeunes personnes pendant que leurs parents chercheront pour elles de bons partis, tandis que chez nous les jeunes femmes renonceront à leur petite coquetterie pour devenir des mères respectables, un peu plus tôt qu'elles ne le font maintenant, quoique, à dire vrai, toutes y arrivent, tôt ou tard. » Comme elle achevait de parler, une nouvelle valse se fit entendre, et une demi-douzaine de couples, les uns bien, les autres mal assortis, passèrent devant nos yeux. L'un d'eux se composait d'un jeune homme de fort bonne mine, avec des favoris et des moustaches, d'un noir bleu, grand comme une tour, et qui, à en juger par l'apparence, n'était pas du tout mécontent de sa personne et d'une danseuse qui aurait fort bien pu adresser à son goût de mari, assis non loin de nous, les vers suivants. Déjà plus de 30 fois le char de Phébus a fait le tour des flots salés de Neptune et des côtes qu'il baigne, et 30 fois 12 lunes ont de leur lumière empruntée éclairé le monde 12 fois 30 nuits, depuis que dans des nœuds sacrés, l'amour a uni nos cœurs et l'hymen nos mains. Ma voisine et moi, nous nous jetâmes mutuellement un regard en les voyant passer, et nous échangeâmes un sourire. « Vous avouerez du moins, me dit-elle, que c'est là un des cas où une femme mariée peut se livrer à la passion pour la danse sans crainte des conséquences. »« Je ne suis pas sûr de cela, répondis-je, car si personne ne soupçonne sa vertu, il n'en est pas de même de sa sagesse. Mais apprenez-moi donc ce qui a pu engager ce superbe personnage, qui, en la regardant, a l'air de mesurer la distance qui les sépare, a sollicité l'honneur de serrer entre ses doigts sa vénérable taille. Rien n'est plus facile à expliquer. Cette petite blonde que vous voyez là-bas dans le coin, avec ses cheveux si bien lissés sur son front, est la fille de cette vieille dame. Elle est sa fille unique, et elle aura une fort belle dot. Maintenant, vous comprenez sans doute. Et dites-moi, dans le cas où cette spéculation ne réussirait pas, ne vaut-il pas infiniment mieux que ce soit cette excellente dame, qui ressemble si fort à un canard en balsant, que s'adresse toute l'éloquence par laquelle il cherche à se rendre aimable et à tendrir son cœur aguerri par les années, plutôt qu'à cette jeune fille si délicate et si susceptible d'impressions dangereuses? Est-ce bien sincèrement que vous voudriez nous engager à faire ainsi l'amour par procuration, mettant la maman à la place de la jeune personne, en attendant que celle-ci ait reçu le brevet qui lui donne le droit de prêter directement l'oreille au langage de l'amour? Quelque beau que puisse être votre projet, ma chère dame, c'est en vain que vous espérez de le faire réussir parmi nous. Nos jeunes personnes diraient toutes, je pense, comme vous, quand vous ne voulez pas admettre d'innovations anglaises, ce n'est pas dans nos mœurs. Je vous assure, ma chère amie, que je n'ai point composé cette conversation à loisir et pour votre amusement, je n'ai fait que la transcrire aussi exactement que mes mémoires me l'a permis. Seulement, je ne voulais pas donner tout entière, ma lettre n'étant déjà que trop longue.